L'Assemblée générale du Comité olympique de la République populaire démocratique de Corée a eu lieu le 23 janvier à Pyongyang. Le ministre de la Culture physique et des Sports, Kim Il-gu, est élu président du Comité olympique national.